raconte les étoiles que là-bas tu ne vois pas. Que là-bas tu ne vois pas. La ville s'ouvre. Ce soir, Dichal.